tende vers son fige mon regard sur une terre où s'abat les flots du hasard. Les vents s'acharnent sur les sols de ciment, dévorent les quais qui se tiennent les flancs. Les murs mis transpirent des serpents, rapportent les rêves des vagues gémissant. Les champs marins des expéditions subliment l'humeur de mon horizon. Le mystère des guerriers de la mer, des hommes à la volonté de faire prêts à déchirer ces vagues légendaires. Servent leurs parfums scintillants, le champ.